Tu te refoules sur toi-même, pour elle t'aurais pu donner ta vie. Tu cherches la même avec la même tête, les mêmes mots, les mêmes manies. Tu la voyais comme ta princesse, mais elle t'a vite coupé les ailes. T'aimes bien quand tu la croises et que les gens viennent parler d'elle. T'es fané quand elle t'ignore et qu'elle te met le cœur à terre. Quand elle fait la minote ou la force de caractère. Je crois bien que tu perds ton temps à essayer de la revoir. Putain, tu me déçois, tu te mets à te saouler. Le soir tu dis je l'aime plus mais c'est pas vrai. Toi et elle c'est plus carré. En plus de ça, je vois que tous tes potes veulent la cabrer. Tu penses à elle, tu fais des tours vers son secteur. Tu veux être le seul qui l'a touché, le seul qui la console quand elle pleure. Tu vois que elle, tu fais des cauchemars où elle te quitte. Où elle te dit je te connais pas, toi tu viens me parler mais t'es qui. Tu sers, tu aurais voulu la garder, perdre la vida. Mais c'est fini, tu repenses toujours au jour où elle te quitta. C'est ça l'amour, tu pleures seul quand on t'amuse. Tu perds, tu repenses, tu réalises. Trop love, tu m'en désires, c'est pas Elise. Ça pense tu l'as pas l'arraché, après il te salise. Trop love, trop love, trop love. Les sentiments te brisent le cœur, c'est drug love, drug love, drug love. Les sentiments te brisent le cœur. Tes copines t'ont dit qu'il pleut, avant que c'est lui qui éclate. Il brise ton cœur à petit feu, rien qui s'amuse, rien qui snap. Sur Facebook il est plein de gadgets, sur plein de photos il met des j'aime. T'es tellement bien pour lui qu'il se met à brancher toutes les chiennes. Il te regrettera quand il va te perdre, ça c'est sûr. Repart sur de nouvelles bases, faut effacer ses blessures. Tu le voulais pour toute ta vie, tu l'as eu pour des mois. Il fait le mac quand il te voit avec d'autres mecs, il insulte les morts. Mais tu t'en fous, toi tu l'aimes, tu restes trop accroché à lui. Une question qui te met la haine, est-ce pour la vie ou pour la nuit. Ta meilleure amie t'a dit, tu mérites pas, il est plein de gadgets. Au fait, je l'ai croisé en boîte avec une folle, il te l'a pas dit. Pleure pas ma belle, je t'ai dit qu'il y avait des mecs comme ça. Il t'a frappé, il t'a trahi, laisse, c'est pas des hommes ça. Bientôt c'est son ami, t'as tout fait pour lui, t'as pris un cadeau. Et finalement, il t'a largué, t'as mis toute sa famille à dos. C'est ça l'amour, tu pleures seul quand on t'amuse. T'es perdu, tu repenses, tu réalises. Trop love, tu m'en désires, c'est pas Elise. Ça pense tu l'as pas l'arraché, après il te salise. Drug love, drug love, drug love. Les sentiments te brisent le cœur, c'est drug love, drug love, drug love. Les sentiments te brisent le cœur.